Sixième station. Jésus imprime sa face sur un linge. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus gravissait péniblement le calvaire. Sa face adorable était couverte de sang et de crachats. La douleur l'avait rendu méconnaissable. Une sainte femme l'aperçoit. Son cœur, ému d'une tendre compassion, reconnaît son divin maître. Et, s'approchant de lui avec amour, elle essuie à un linge son visage défiguré. Aussitôt, tous les traits de Jésus se gravent sur ce linge, et il laisse empreinte sa vivante image. Ainsi Jésus récompense-t-il la fidélité et le dévouement de cette sainte femme. Ainsi nous enseigne-t-il à nous-mêmes, non seulement à porter la croix, mais encore à retracer en nous tous les traits de sa propre vie. Originairement, l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Il devait travailler à se rendre parfait comme son Père céleste est parfait. Mais, par le péché, il efface les traits de ressemblance. Il défigure l'image divine et la rend méconnaissable, en sorte que l'on n'aperçoit plus en lui que passion d'ignominie et souillure. Voilà pourquoi il a fallu que Jésus nous remît sous les yeux le modèle divin que nous devions copier. Pour guérir complètement notre ignorance, la sagesse divine s'est donc manifestée sensiblement par l'humanité du Sauveur. Elle s'est rendue palpable afin d'être notre lumière et notre sagesse, et d'imprimer en nous son image et sa ressemblance. Elle nous dirige sûrement, à travers toutes les épreuves, jusqu'à la vie bienheureuse de l'éternité, parce qu'elle arrête constamment nos regards sur l'auteur et le consommateur de notre salut, et qu'elle ne nous permet pas de quitter ses traces. Ô Jésus, sagesse éternelle, il n'y aura donc de prédestinés que ceux que votre Père aura trouvés conformes à votre image. Sans cette condition indispensable, l'homme ne saurait être ni justifié sur la terre, ni glorifié dans le ciel. Ainsi donc, vous m'avez donné l'exemple pour que je fasse après vous ce que vous avez fait le premier, et que je le fasse dans le même esprit, avec le même cœur que vous. Vous m'instruisez à juger de toutes choses à la splendeur de votre vérité, à conformer aux vôtres mes pensées, mes sentiments, mes volontés, à retracer votre vie entière par la mienne. Voilà le moyen d'être pour l'éternité enfant de Dieu, héritier de Dieu, votre co-héritier, ô mon Sauveur. Puissé-je donc vous imiter, me revêtir de vous, ô Jésus, et n'avoir aucun souci de la terre en mes désirs. Ah Seigneur, donnez-moi la prudence chrétienne, afin que je tende incessamment à ma fin, que j'échappe aux pièges de mes ennemis, à toutes les illusions de la terre. Inspirez-moi une sainte vigilance qui me fasse éviter les écueils, une circonspection qui me rende attentif à toutes mes voies, une docilité toujours prête à goûter et à suivre les conseils des saints et les avis de mes supérieurs. Faites que je me souvienne du passé, que je juge sainement du présent, que je prévoie sagement mon avenir, que je compare l'un à l'autre les termes différents où aboutissent le vice et la vertu. Préservez-moi de tout jugement inconsidéré, de toute précipitation dans ma conduite, de toute inconstance dans mes bonnes résolutions, de toute négligence en mes œuvres. Mais, Seigneur, tout cela ne suffit point encore pour que je devienne ce que je dois être, un autre vous-même. Guidez-moi donc, ô Jésus, par le don de conseil, qui seul peut soutenir et perfectionner en moi la prudence chrétienne pour tout ce qui est nécessaire au salut. Accordez-moi le don de la science des saints, afin qu'appréciant à leur valeur toutes les choses de la terre, je n'y vois qu'un moyen de gagner le ciel. Éclairez-moi du don d'intelligence, afin que je saisisse bien vos exemples, et que je comprenne à quoi m'engagent vos mystères et vos bienfaits. Remplissez-moi surtout du don de sagesse, afin que mon esprit et mon cœur n'aient plus de goût que pour les choses divines, et qu'en tout je cherche seulement le royaume de Dieu et sa justice. Inspirez-moi, Seigneur, un insatiable désir d'imiter votre sainteté, de m'avancer chaque jour dans la perfection, de vivre de votre vie. Répandez en moi votre esprit, qui échauffe mon cœur et dirige toutes mes voies, car quiconque n'a pas votre esprit ne saurait être à vous. Celui, au contraire, qui s'abandonne à la conduite de cet esprit sanctificateur, celui-là est vraiment enfant de Dieu. Il est votre frère, votre membre, votre ressemblante image, et à ce titre, il sera pour l'éternité l'objet des divines complaisances. Dire à notre Père et un « Je vous salue Marie ». Mère Sainte, accordez-moi cette grâce,